C'est sur le tournage de leur dernier épisode que nous retrouvons Perrantoir et Vandalflag, les producteurs, réalisateurs, auteurs et présentateurs de Orcal. Quand nous avons proposé à Didi Ryder d'intervenir, on était pratiquement sûr qu'il refuserait avec son emploi du temps surchargé et tout. Quoi quand même, c'est Didi Ryder, quel intérêt il aurait à venir sur notre podcast? Et puis le lendemain, je sais pas si tu t'en souviens, dans notre boîte mail, paf, réponse positive. Ouais. Et t'es super content. Ouais, super content. Cause de la lune. Puis on a reçu aussi Titour, c'est Loli. Titour, c'est Loli quand même, vous vous rendez compte? Titour, c'est Loli. Ouais, quand même. On y retourne. Le tournage se passe très bien pour l'instant, on est dans les temps. Ouais. Ouais, puis on a une équipe super pro, des gens très motivés. Bon, là on va devoir vous laisser. Ouais, désolé, on reprendra plus tard. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Allez, nettoyez ça. Nos deux génies de la Jet Set podcasting française retournent veiller au grain. Il ne faut pas décevoir les millions d'auditeurs journaliers. Bon, silence au plateau. On va lancer le générique. Bon, les musiciens, vous êtes prêts? Allez-y. Non, non, arrêtez, ça va pas. Et refaites-moi ça. Mais plus péchu. Allez, 3, 2, 1, go! Bienvenue dans Orcal, l'émission qui n'a pas compris. Salut, et bien bienvenue dans Orcal. Alors, émission un tout petit peu particulière aujourd'hui, parce que c'est une émission freestyle, un best-of. Déjà. Ça fait combien de temps? Ça fait un moment. Ça fait deux ans, hein? Deux ans et demi. Oh, je sais plus, ouais. Ah, je me souviens que de souvenirs. Je me souviens de nos débuts balbutiants. Ouais, c'était. On a fait des progrès depuis quand même. C'est touchant quand on y repense. Bon, alors, on fait le sommaire. Dans cette émission de hors cadre. Non mais laisse tomber. Il y a pas vraiment de menu puisque en fait c'est un best-of. Donc si tu veux, il y a pas vraiment de menu. On va vous présenter meilleurs moments de hors cadre depuis le tout début. Alors ça donne quoi d'abord avant de commencer hors cadre en chiffres, c'est quoi? Alors oui, j'ai quelques chiffres. Alors hors cadre, c'est 27 heures d'émission en 33 épisodes, ce qui est honorable. Un total cumulé de 2 millions... Non, 20 000 téléchargements quand même. Ouais, enfin millions, plein. Ça fait beaucoup en tout cas. Beaucoup, oui. C'est 17 invités, un Golden Bog Award, deux Molières et un set d'or. C'est ça. Ouais. Donc un joli palmarès quand même. Soyons un petit peu... On peut être content de nous quand même. Ouais, on est content de nous quand même. Après autant de travail. Bon, bah du coup, on va, comme je vous ai dit, on va faire nos moments préférés, piocher dans tous les épisodes qu'on a fait. Allez, tu commences? Je pense qu'on n'a jamais aussi peu travaillé sur un épisode en tout cas. Mais bon. Bon bah j'attaque. Alors moi j'ai choisi un extrait de... Alors c'est notre épisode sur les années 20, années folles, notre épisode 20. Et c'est un de tes sujets, c'est sur l'origine des courses de NASCAR. Et on s'écoute ça tout de suite. Et on revient après. Le 28 octobre 1919, les États-Unis entérinent le 18e amendement via le Volstead Act. Tu sais ce que c'est? Pas du tout. C'est un amendement qui va limiter la vente des boissons alcoolisées dans les États-Unis. C'est la prohibition. Ah. Et voilà. Et à partir du moment où tu as une prohibition d'un truc, une interdiction d'un truc, qu'est-ce qui se développe? Bah, il y a le marché noir. Voilà. Et donc du trafic. Et durant les années 30, les trafiquants se baladaient avec des cargaisons d'alcool de ville en ville, dans des bagnoles. Il fallait échapper à la police. Donc le problème, c'est que ça faisait des courses-poursuites. Et ils ont commencé à prendre les voitures qu'ils avaient, et ils se sont mis à les bricoler. L'idée, c'était de la rendre plus résistante, un peu plus rapide, et surtout résistante au choc. Ouais, pour les balles. Voilà, et tout ça. Et en fait, petit à petit, à force de se faire des voitures de plus en plus costauds, ils ont décidé de s'amuser entre eux à se courir après avec ces voitures qui pouvaient résister à pas mal de chocs, donc se rentrer dedans. Ils se mettent à faire des courses sauvages, et ça y est, des courses de stock car, puisque stock car, ça veut dire voiture de série, en fait. Ah oui, donc c'est des voitures banales au final. Des voitures, voilà, normales. Les courses de stock car étaient nées. Voilà. Bon, du coup, après la prohibition, il y a des associations qui vont rendre ces courses légales. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Il y a un certain Bill France, au bout de plusieurs années, qui va réussir à réunir toutes ces associations entre elles qui font des courses chacun de leur côté. Et donc il va les réunir et donc il va créer un truc qui s'appelle NASCAR. Ah. National Association for Stock Car Auto Racing. L'association nationale des courses de voitures de série en fait. Et voilà, c'est né en 1948, donc suite à la prohibition. Donc c'est l'alcool qui a créé ça. Exactement. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, c'est quand même les courses qui restent encore aujourd'hui les plus populaires. On parle d'ailleurs encore de stock car, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec des modèles série. En fait, on devrait plutôt parler de silhouette car, puisque les voitures sont conçues à partir d'un châssis qui est complètement réalisé pour la course. Elles ont juste un peu la gueule des voitures de série. Elles sont recouvertes d'une carrosserie pour que ça ressemble encore plus, mais c'est tout, quoi, tu vois. Du coup, c'est quoi? C'est des courses qui se déroulent sur des ovales. Ils aiment bien ça, les Américains, les ovales, entre ça et l'Indy 500, qui est le circuit le plus connu d'Indianapolis. C'est des ovales qui font entre 1 et 3 miles. C'est pas énorme. Et ils font quand même ça durant 265, 400, 500. Il y en a même un qui fait 600 miles en nombre de tours, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ouais. ils font jusqu'à 600 tours pour les petits circuits. Enfin, je sais pas exactement lesquels font 500 ou 600, tu vois. Mais c'est assez énorme. Ça fait quand même 600 miles, 965 km pour le plus long. À tourner en rond, toujours à gauche. Ou à droite, je sais plus. Tiens, bonne question. Ça dépend. C'est à droite, je crois. Ça va être à droite, alors. Ouais. Et bien, évidemment, ils ont tous des virages relevés pour faciliter la vitesse. Non, voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, tu peux dire que ces courses sont nées de la prohibition et de balade d'alcool. Dans des pick-up, enfin des pick-up, dans les années 20 ça devait pas ressembler tellement à des pick-up, mais voilà. Il faut savoir qu'une maintenant une voiture de NASCAR ça pèse 1,5 tonne pour 850 chevaux, avec un moteur V8 avec soupape en blablabla. Et oui, donc ah ouais, quand même. La prohibition qui est à l'origine des courses de NASCAR. Anecdote intéressante. Ouais, c'est marrant quand même. Et toi, est-ce que tu as choisi quelque chose alors? Ah moi je me souviens d'un truc dans l'émission 9 mm. Qu'on avait fait, c'était une histoire. Tu m'avais raconté l'histoire du paintball, c'était assez sympa. Oui, je m'en souviens. Allez, lance ça. On s'écoute ça. Puis de toute façon, tu sais que moi j'ai deux passions dans la vie, c'est la guerre et la peinture. Ah oui, ah, ça me rappelle un petit moustachu avec un accent allemand d'il y a un certain temps. Ouais, passons. Donc les premiers pistolets à peinture, en fait, ils ont été développés dans les années 70 et c'était utilisé par les forestiers pour marquer les arbres et ouais. Pas se perdre. Dans la forêt. Et il y avait certains éleveurs aussi qui utilisaient ça pour marquer le bétail, parce que bon, quand tu avais beaucoup de bétail, c'était plus rapide de leur tirer dessus avec un pistolet à peinture que de les marquer individuellement en fer rouge, quoi. Et donc il n'aura pas fallu longtemps pour que les forestiers et les éleveurs finissent par se tirer dessus avec des pistolets, et le paintball était né. Et donc en fait, c'est en 81, donc c'est un peu plus tard, qu'on retrouve les bases du jeu de paintball moderne, en fait. Là, il y avait 12 personnes, donc c'était aussi des forestiers. Ils ont dit, oh bah, pour se déstresser, on va se faire une petite partie. Et de donc, gendarmes et voleurs. Ouais, voilà. Et il y avait 12 personnes qui sont équipées de pistolets à peinture et qui sont affrontées dans une version sommaire de ce qu'on a appelé maintenant le Capture the Flag. Eh oui, capture-le-moi. Et donc, dans ce mode de jeu, la première équipe à s'emparer du drapeau adverse, tout en protégeant son propre drapeau, remporte la victoire. Et donc, forcément... Après l'enthousiasme qu'a suscité cette partie, il y a les 12 joueurs originaux qui ont senti le bon filon, quoi. Donc ils ont racheté une bonne centaine de pistolets à peinture et à une entreprise, et en fait, ils sont mis à les revendre aux particuliers. D'accord. Et très vite, l'idée séduit, si bien qu'en 1982, il y a le premier terrain de paintball officiel qui ouvre à New York, et bon, bah maintenant c'est très facile de trouver des terrains de paintball. Ouais. Donc maintenant, ça a évolué. Donc il y a un arbitre qui est là à chaque jeu pour s'assurer du respect des règles, tout ça. Et la règle la plus importante, c'est aucun contact physique qui est toléré entre joueurs. Et ouais. Bien sûr, si le joueur reçoit une bille de peinture, il doit être éliminé. Il doit s'arrêter. Ouais. Ça me rappelle des épisodes de Big Bang Theory. Et de Community. Oui, ah oui, les deux épisodes de Community. Terrible. Donc une partie peut opposer jusqu'à plusieurs centaines de joueurs si les moyens le permettent. Bien. Ouais, donc la guerre et la peinture, hein. Voilà. Ouais, magnifique. Voilà, super référence, hein, Randall Flagg, je te félicite pas. Ah, non, c'est pas moi, dis donc. Oh, c'est bon. Jamais toi. Et donc, c'est à moi, donc on va parler de l'émission numéro 5, qu'est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, l'émission numéro 5 sur, ouais, sur les trucs de bar. Tous les trucs de bar, voilà. Et on avait eu des invités, on avait eu Loli et Titours. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai choisi un sujet, le sujet de Loli, qui nous parlait d'Arthur Guinness. Ouais, donc, Tite Ours, pour continuer un petit peu sur ta lancée de ta bière, j'ai quelques petites anecdotes sur une bière en particulier, ouais, sur un type de bière en particulier, et une marque plus particulièrement, la Guinness. Ouais, Guinness. Alors, la Guinness, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on peut en dire. Je vais vous donner trois petits trucs amusants sur la Guinness ou la maison Guinness en général. Donc, sur la Guinness en elle-même, il y a une équipe de chercheurs de l'université du Wisconsin, je dirais certains, qui a mis en évidence en fait les effets bénéfiques pour le cœur de la consommation de la Guinness. Ça, à mon avis, ça c'est pour se payer nouvelle. Les coûts ouais. Pendant la recherche. Ouais, pour en vendre un peu plus. Mais pour être honnête, en fait, ils l'ont comparé à de la lager, donc une bière blonde contre une bière brune. Et en fait, ils ont mis en avant des effets antioxydants. Similaire à se trouver dans certains fruits et dans certains légumes, et ça ralentit le dépôt du cholestérol dans les artères. Ah bah ça fait du bien. T'imagines un petit peu, tu bois de la Guinness, t'es antioxydé, pas de cholestérol. Et c'est bon pour le ventre. C'est bon pour le ventre parce qu'il y a de l'alvéole. Ça le rend plus gros. Il faut en boire beaucoup. Il faut en boire beaucoup. Voilà. On n'aura pas de maladie. Et donc alors, pour continuer toujours sur la Guinness, et plus particulièrement sur la maison Guinness, on va remonter un petit peu aux origines même de la maison Guinness, à savoir Monsieur Arthur Guinness, grand créateur et fondateur de la brasserie Guinness, qui, enfin, pas lui exactement, mais son directeur des ventes, son directeur du management, donc en dessous de lui en fait, Sir Hugh Beaver, et donc un castor, qui était donc manager de la brasserie, c'est ça voilà. Exactement. Il y en avait un petit peu ras-le-bol en fait des batailles générales qu'il y avait dans les pubs, etc. Sur c'est mon club de foot qui est le meilleur, c'est cet oiseau-là qui vole le plus vite, etc. machin. Et il a dit Ah bah écoutez les gars, on en a ras le bol maintenant, donc on va faire un livre, on va mettre tous vos trucs dedans, comme ça sera terminé. Ah oui, d'accord, au début c'est des bagarres de bar. C'est ça, et c'est ainsi qu'est né le livre des records, le Guinness Book des records. Le Guinness Book des records, énorme. Voilà. C'est l'origine même de la naissance du Guinness Book. C'est-à-dire que le mec qui jongle avec les tronçonneuses, à la base, ça vient d'une bagarre de... Ça vient d'une bagarre de pub sur le mec qui dit « Ouais, non, mon équipe de foot, elle marque plus de buts que la tienne !» Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Non, c'est que le mec, il avait trop bu de Guinness, là, pour jongler avec des tronçonneuses. Ça. Ouais, quoique la Guinness, il y a plus fort, quand même, comme bière. Hein. Enfin bon. Ouais, c'est déjà pas mal. Eh bien, continuons donc un petit peu sur la maison Guinness, et plus particulièrement donc sur Arthur Guinness. Donc, monsieur Arthur Guinness est mort assez vieux, quand même. Mais, il est mort en 1803, voilà, et il est né en 1725. C'est plutôt pas mal pour l'époque, comme quoi la bière ça conserve. Et donc, ce brave homme, savez-vous comment il est mort ? Noyé dans une cuve de bière. Non, du tout. Intoxiqué par de l'eau. Un truc qui a rien à voir avec la bière à tous les coups. Il a rien à voir avec la bière, exactement. Mais est-ce que c'est paradoxal ou pas ? Non, c'est assez concept quand même. Alors. On va couper court. Donc, il est mort d'une infection du sang. D'accord. Mais dû à quoi ? Il est mort d'une infection du sang due à une blessure qu'il a eue à l'orteil. Ah, oui. Parce qu'il a mis un gros coup de pied dans son coffre-fort parce qu'il avait oublié sa combinaison. Et c'était un coffre en plomb ou un truc Et c'était son énorme, son gros coffre-fort dans lequel, en fait, il avait sa levure secrète qui était, qui était protégée. Et il a voulu l'ouvrir, il avait oublié la combinaison, et ça l'a énervé. Il a mis un coup de pied dans le coffre, il s'est blessé, et en fait, au fur et à mesure, son sang s'est infecté à partir de la blessure, et il en est mort ainsi. C'est comme Lully qui s'était fait ça avec son pied en battant... Loli ? En battant les... Non, Lully. Ah. Lully, avec sa canne, il s'est tapé le pied, et je crois qu'il a eu la même chose. Ah oui, c'est vrai, il s'est tapé. Il a fait un certain Molière. Ah, je sais pas. Donc, je crois bien qu'il avait tapé les trois coups au début d'une pièce de théâtre. Bam, sur le pied. Pas impossible, effectivement. Et donc, la dernière petite anecdote, mais bon, celle-là, je pense que pas mal de monde la connaît, c'est que Monsieur Arthur Guinness, histoire de couvrir un petit peu sa société à partir de la création, a signé un bail de 9000 ans pour le terrain où est installée la brasserie Guinness. Donc il a acheté le terrain pour 9000 ans. Voilà. Et c'était ainsi les dernières aventures de la maison Guinness. Ah, si, c'était possible à l'époque. Sauf que le problème, c'est que comme c'était un document officiel réel, eh ben, il est toujours d'actualité. Voilà, donc le début du Guinness Book des records. Avec par des bagarres. Des bagarres de penser que c'était. Voilà. Chaque fois, c'est lié à l'alcool, j'ai l'impression. Toutes les inventions comme ça. Enfin bref. Ouais, c'est pas faux. Eh ben d'ailleurs, moi, c'est dans le même épisode, il y avait un truc qui m'avait fait marrer, c'était le sujet de Titours qui parlait des superstitions liées à la bière. Ah, il fait en superstition, Titours. Ouais, c'est son métier. Alors, Loli, est-ce que tu savais qu'à Babylone, la bière était utilisée comme un moyen de paiement? Non. Une monnaie. Ouais, sans exactement. Et est-ce que vous savez quel autre aliment très connu a été aussi utilisé comme monnaie il y a très très longtemps? Mais bah, le blé, le sel, le blé pour l'argent. Le sucre. Aussi, il y avait le chocolat. Ah, waouh. Et ce qui était très bien à l'époque, c'est que, étant donné que c'était des denrées périssables, ça évitait que les gens amassent du pognon. Donc, il n'y avait pas, en gros, de riches et de pauvres. En gros, c'était... Il n'y avait pas de, de spéculation sur l'argent. Le commerce marchait en boucle. Même sur la bière? Oui. Parce que ça se garde quand même, la bière. Oui, ça se gardait un peu plus longtemps, mais bon, ouais. Quand même. Ouais, mais c'est considéré comme de l'argent liquide, non? Oh, merde. Merci, Laurent Ruquier. Bon, alors, suivant. Alors, en Égypte, donc en Égypte ancienne même, la bière était considérée comme un breuvage d'immortalité qui était consommé par les vivants, les morts et les dieux. C'était pour tout le monde. Ben les morts, ils ont pris une petite mise en bière, c'est ça en fait. Voilà. Exactement. Je crois que vous allez toutes les faire, là, ça va être magnifique. Oui, c'est prévu pour. Hein. Alors, chez les Celtes, il y avait le forgeron Gwagnew, désolé pour le nom, qui craftait des armes magiques grâce à son marteau magique. Mais le mec, il avait un peu un niveau de malade en craft, parce qu'avec trois coups de marteau, il pouvait crafter une épée ou un javelot. Et ces mecs-là, bah, quand ils s'ennuyaient un petit peu, bah, ils faisaient de la bière également. Et en fait, qui était considéré à l'époque, pour eux, c'était comme la boisson de la souveraineté. D'accord, donc c'était les dieux qui... Enfin, un espèce de dieu qui fabriquait la bière, c'est ça? Non, il forgeait pour les dieux, lui. Ah, il forgeait pour les dieux, d'accord. Mais bon, c'était un forgeron, quoi, les votes plus, quoi. C'était un PPGM du craft. Niveau de craft de malade. Voilà. Donc aussi, on avait en Flandre et en Wallonie, je sais pas pourquoi ils mettent pas la Belgique, hein, ça revient même, il y avait la bière du Nouvel An qui avait des vertus rajeunissantes, alors que la bière de Marseille était réputée pour se conserver plus longtemps. Mais donc depuis, ils ont continué hein, sur ce... Ah bah la bière de Noël, quoi. Voilà. Et pour rester jeune ou pas, je sais pas, mais bon, ils continuent à avoir de la bière. La bière de Noël? Ouais. Ah oui. Tu connais pas la bière de Noël comme la bière de mars aussi, qui existe encore? Il y a la première bière aussi qui est faite de l'année, la bière du printemps. Non mais c'est ouais. Breton, à part le chouchen, hein, ça connaît rien. C'est pas bon le chouchen en plus. Mais c'est super bon le chouchen. Mais il faut pas goûter la bière de Noël, c'est des ressassés de bière, c'est dégueulasse. Et dernière petite... on va dire comment ça... mythologie, mystère sur la bière. Il y a un rite anglais qui dit que quand la bière est brassée, il faut faire une croix sur la levure qui flotte à la surface, cela protège de la sorcellerie. Dans les pots de brassage, alors, dans les tonneaux de brassage, pardon. Dans les cuves, je trouve plus le mot. D'accord. Ah, ok. Comme quoi, la bière, c'est sacré. Alors, moi, je me souviens d'une petite anecdote. Chacun a fait une bonne petite blague pendant ce sujet-là. Ouais. Et moi, à un moment, j'ai essayé d'en faire une. Et comme j'ai fait un gros bide, bon, je l'avoue maintenant, j'ai coupé ça du montage. Ah oui, non, mais. C'est moche. Le gros blanc qui a suivi la blague était terrifiant. Parce que moi, tu coupes pas mes blagues nulles au montage. Bah non, mais sinon, c'est moi qui fais. Je parlerai plus. En même. Ah, mais tu feras le montage la prochaine fois alors. Voilà, on va faire ça. Très bien. Est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Alors, est-ce que tu te souviens de l'émission? On avait parlé de la télévision. Ah oui, c'était l'émission l'émission 10, voilà, Diffusion Télé. Diffusion Télé, exact. Voilà. Et donc j'ai choisi un de tes sujets où tu nous avais parlé de Jumping the Shark et de plein de séries. Et on s'écoute ça. Alors, Happy Days, lors de sa saison 5, il commence un petit peu à avoir des idées qui s'essoufflent, les personnages partent, on ne sait plus sous quel prétexte, ils vont tous à Hollywood en début de saison. Et c'est à ce moment-là que Fonzie va relever le défi de sauter par-dessus un requin en ski nautique. C'est du grand n'importe quoi. Et donc ça, c'est devenu le symbole du fait qu'une série a duré trop longtemps et fait n'importe quoi pour essayer de se relancer. Ce qu'on appelle le phénomène du jumping the shark, depuis, c'est de passer dans le langage courant. Mais ce qui est marrant, c'est que ça arrive au 91e épisode de la série Happy Days. Alors tu te dis, oui, puisque c'est... Ils ont pas duré bien longtemps après. Ouais, c'est pas énorme non plus, 91 épisodes. C'est pas énorme. Et ben en fait, oui, en effet, parce que la série a encore continué pendant 6 saisons de plus, 164 épisodes supplémentaires. Alors ce qui est marrant, c'est que Jumping the Shark est devenu le symbole du fait qu'une série va trop loin et fait n'importe quoi, et donc est pas loin de mourir, alors que la première série qui a fait le Jumping the Shark, finalement une série qui a survécu au Jumping the Shark. Même si Fonzie a pris un sacré coup dans l'aile, point de vue coolitude après ça, Mais sinon, tu peux en trouver dans d'autres séries des Jumping the Shark. Il y en a une qui est considérée comme ça, c'est House, dans un épisode de la fin de la saison 7. Pas vu. Il a un problème, il s'opère lui-même la jambe dans sa baignoire. Oh putain, d'accord. Ça devient n'importe quoi. Un autre truc beaucoup plus étonnant, c'est la série Roseanne. Je sais pas si tu connaissais Roseanne. Non, je crois pas. Roseanne, c'était un sitcom où, je sais plus comment s'appelait l'actrice principale, qui est super connue, qui était une famille qui avait pas de pognon, quoi, avec deux personnes de forte corpulence, les parents. Et voilà, c'est tout le ressort gag était le fait qu'ils n'avaient pas de sous et qu'ils avaient trois gamins et qu'il fallait gérer tout ça. Et dans la saison 9, il y a Roseanne qui, dans les débuts de la saison, qui gagne au loto et devient super riche. Donc ça, c'est le Jumping the Shark de la série, parce que Ah, ça n'a plus d'accord. rien à voir, elle devient super riche. Et en effet, ce sera la dernière saison, mais ce qui est vachement étonnant, alors attention, je vous spoil la fin de la série, qui est à peu près 20 ans ou 30 ans. Roseanne dans les. Non, 20 ans, oui. Roseanne, dans les 15 dernières minutes du dernier épisode, on s'aperçoit que c'est un rêve en fait qu'elle a vécu toute la saison. Oh putain, ça se fait pas ça. Attends, et surtout, les 15 dernières minutes, elle révèle donc l'identité de. Elle révèle l'identité. Elle révèle que dans la réalité, ils n'ont pas gagné d'argent, que les enfants se sont séparés, que son mari, qui à la fin de la saison 8 avait une attaque cardiaque, est vraiment mort. Je te rappelle qu'on est dans une série comique. Et que Roseanne se retrouve seule donc dans son canapé, puisque toute sa famille est partie, soit mort, soit les enfants sont émancipés. Et voilà, et Roseanne rigole une dernière fois. Étonnant, non? Et Putain. encore un Jumping the Shark super connu, c'est la mort de JR Bah oui. dans machin, qui est surtout la suite. C'est-à-dire qu'au bout d'une saison, les fans ont tellement râlé qu'ils ont décidé que la saison qui venait de se passer avec la mort de JR n'était qu'un rêve. C'était un, ouais. Voilà, encore une fois. Quelle Il y a arnaque. autre. Est-ce qu'on pourrait citer encore comme Jumping the Shark? Bah, Prison Break. Je crois qu'on peut dire qu'à partir de la saison 2, c'est un Jumping the Shark géant, tellement la Ouais. série devient ridicule. Bon, il y en a un, je suis sûr que tu connais, on va dire, la saison 8 de X-Files, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi. Bah ça dépend de quoi tu veux parler, parce que je La suis pas fin. rendu à cette saison. D'accord. Bah, tu verras ce moment-là. Il y en a aussi dans les Simpsons, tout ça. Dans les... Dans les Simpsons, il y a un moment dans un épisode des Simpsons, ils se foutent de la gueule de ça où ils vont voir un cascadeur qui fait Qui saute qui avec par-dessus. sa moto saute par-dessus un aquarium de requins et qui se Ouais. fait bouffer. Et dans Stargate aussi, l'épisode 100, on peut considérer, je sais pas si tu Oh te souviens, putain, il est trop l'épisode bien cet 100 et épisode. 200, ils sont très rigolos, mais il y a un côté too much, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont voir le tournage d'une série de télé qui reprend le principe de Stargate, qui s'appelle le Wormhole Extreme. Très bonne mise en abyme en plus. Voilà, dans le sens, c'était la mise à l'abîme, mais dans le deux sens, ils vont voir le tournage du film tiré de la série. Voilà. Voilà, sinon, on peut citer aussi Urgence, qui avait fait un crash d'hélico sur le toit, mais c'était plutôt réussi, et Oui. la série s'en est très bien sortie. Mais c'était un peu du too much, mais c'était finalement assez réussi. Donc voilà, on pourra en citer plein, il y en a encore sûrement d'autres que je... Oui, donc juste un truc, j'ai fait des petites recherches quand j'ai réécouté ton sujet. Ouais. Tu avais parlé de la série Roseanne. Et donc j'ai fait des petites recherches sur Wikipédia et j'ai trouvé que dans la série, il y avait John Goodman, déjà. Oui, John Goodman, oui, Et il y j'avais avait noté bien. aussi deux qu'on connaît bien, Sarah Chalke, qui joue Dans The Big Bang Dr. Theory? Reed dans, non, Ah non. dans Scrubs. La Oui, blonde d'accord. dans Oui, Scrubs. Sarah Chalke, pardon, oui. Et en tout genou, on retrouve Johnny Galecki qui joue Léonard dans Scrubs. Dans Scrubs, dans Ouais. Big Bang Theory. Et ça, j'avais trouvé ça Voilà, c'est ça, c'est pour ça vraiment que marrant. je me rappelais qu'il y a un personnage de Big Bang Theory, je sais plus lequel. Je crois que c'était la fille. Non, non, c'est pas... Ouais. Elle vient de Scrubs, elle. Ouais, oui, d'accord. Oui, alors moi j'avais un autre sujet qui m'avait intéressé. Alors tu te rappelles, on a fait une émission sur l'émission 4, qui s'appelait l'émission 4 touche à encre. Ah oui. On avait pris des risques sur cette émission quand même. C'était un petit Voilà, peu casse-gueule. on parlait beaucoup de... Ouais, c'était sympa. Et je me souviens, on avait parlé des stylos des présidents. Je sais pas si tu te souviens de ça. Si, si, je m'en souviens. Président américain, vas-y. Je lance. Bon, après, ça reste un point parmi tant d'autres, mais il faut aussi savoir que les Américains, c'est des gros petits-fils des stylos, surtout en ce qui concerne les lois. Par exemple, Ah ouais? question, selon toi, combien de stylos ont été nécessaires pour Obama pour signer la loi sur le système de réforme de santé? Tu sais, il y a toute la loi qui est en train de passer en ce moment. Ton avis, combien? Allez, on va dire un stylo pour la de backup au cas où. Allez, Ouais. 3. Non, t'es loin. 22. 22. 22 stylos. C'est une grosse signature quand même. Fait, non pas qu'il n'y avait pas d'encre, tout ça, mais en fait, il faisait un petit trait, il prenait un autre stylo, un petit trait, il faisait un autre stylo, et ainsi de suite. En fait, c'est une vieille tradition aux États-Unis. On utilise Ouais. plusieurs stylos pour signer les lois importantes, et plus il y a de stylos, plus la loi est importante. Et ça remonte au temps de Roosevelt. Et les stylos en trop sont donnés en cadeau aux proches collaborateurs de la loi en question. Et par exemple, la Civil Rights Act, c'est la loi qui rendait la discrimination raciale, religieuse, enfin toutes les discriminations illégales. Ouais. C'est un ensemble de lois très important. Ça a été signé par Lyndon Johnson et il a utilisé, attention, combien ? 50 stylos. Ah, 75. Waouh. 75 stylos pour ça. Et il y a même la vidéo sur le net, donc je serai allé la retrouver. D'accord. Et l'un des premiers stylos, je crois que c'est même le premier, a été donné à Martin Luther King. Donc tu vois, c'est très symbolique au final. Ouais. Et après, reste à savoir aussi comment les présidents font pour garder la signature, faire en sorte qu'elle soit pas trop moche, quoi. Kennedy, lui, quand il avait beaucoup de stylos, il trichait, donc il rajoutait son deuxième prénom, il rajoutait des petits traits en dessous pour... Pour rajouter les stylos. Voilà. Et Obama, il dit qu'il s'entraînait à écrire lentement, tout ça. D'accord. Tu sais que quand il était président, De Gaulle, lui, il utilisait deux encriers pour sa correspondance écrite. Il en avait un qu'il utilisait pour les courriers et les choses publiques, et l'autre qu'il utilisait pour les affaires privées. Celui dont, pour les choses publiques, l'encre était payée par l'administration. Et pour ses trucs privés, il payait lui-même son encre. C'est dingue, surtout à l'époque où on parle d'abus de biens sociaux, machin, l'autre, il prend quand même la peine de faire attention à ces détails. En tout cas, je ne sais pas si tu te souviens, on a eu beaucoup de commentaires, c'est une émission qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oh, merci Laurent Ruquier. C'est ça. Oh, c'est moche. Je note le fétichiste des stylos. Ouais. J'aurais pu trouver un autre mot quand même. Oui, c'est pas terrible. À mon tour. Est-ce que tu te souviens de... Alors là on remonte vraiment super loin. Émission numéro lune. Est-ce que tu te souviens du thème ? C'était la lune. Mais c'était il y a des années, ça. L'émission numéro lune, c'était la lune. On avait reçu des Z Rider. Ah ouais. Première invité. Il était venu nous parler de quelque chose assez spécial sur la communication via la lune. Et on revient juste après ça. Bon alors, comme on est dans un podcast qui cause de la lune... l'épisode numéro lune. Moi je vais vous parler d'une technique qui a été développée par l'armée américaine. On a eu internet, là on a un autre truc qui a été inventé donc un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Les nazis. Donc c'est ça. Voilà, nazis, Hitler. il s'agit de la technique EME. Alors qu'est-ce que ça veut dire EME ? Vous avez peut-être. Vous savez, parce que je vous l'ai dit avant, arrêtez. Mais je ne me rappelle plus. Non, les initiales, je ne sais plus. Ouais, ça veut dire Earth, Moon, Earth. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec... De la Terre à la Lune à la Terre. Eh bien, on peut jouer au ping-pong avec la Lune. De quoi ? De la Terre à la Lune à la Lune. Moi, je disais jouer au ping-pong avec la Lune. Ouais. C'est presque ça. Non. Si je te dis qu'on joue avec des antennes... D'accord, donc c'est renvoyer des sons. Voilà, en fait... c'est ça. En fait, ça consiste à communiquer entre deux points distants sur la Terre. Donc, un qui est, on va dire, à Paris, et l'autre en Espagne. D'accord ? D'accord. Et chacun pointe vers la Lune. Il faut que les deux voient la Lune. Oui, et voilà. Ils utilisent leur... Si t'es de l'autre côté de la Terre et que tu vois pas la Lune, c'est un peu chaud parce que ton onde va pas falloir qu'elle fasse le tour. C'est un peu tendu. Ça devient compliqué à gérer. Et donc, en gros, ils utilisent l'albédo de la Lune. Et un autre mot que je vais vous apprendre. Alors, l'albédo, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est quelqu'un qui a l'albédo. Voilà, on parle pas de fumette. Hein. D'accord. Mais en gros, c'est la réflectivité du corps céleste. La réflectivité de la Lune, comme vous la voyez, quand tout est bien dégagé, elle est blanche, et elle va refléter les ondes. Et donc ça va permettre d'envoyer une onde sur la Lune et qu'elle revienne à notre correspondant. D'accord, de la même manière qu'elle reflète le Soleil, elle va refléter les ondes, c'est ça ? Exactement. Et donc, comme je disais, ça s'est arrivé un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. La première réception d'écho de la Lune a réussi le 10 janvier 1946. Alors depuis Fort Monmouth. Monmouth. Ah, mais je voulais dire Monmouth. D'accord. C'est dans le New Jersey. Et donc après, il y a différentes utilisations. Maintenant, c'est surtout des un peu tarés de la technique et de la radio qui s'amusent à faire ça. Ouais. C'est plus du tout utilisé par plus personne. On va dire que c'est des prouesses techniques, quoi. Mais alors, officiellement, c'est pas utilisé. Je pense que il y a encore pour te cacher. Enfin, quoi que te cacher. Si En gros, s'il y en a un qui envoie une onde et que cap n'importe où sur Terre, enfin sur Terre, qui voit la Lune, peut la réceptionner juste en positionnant bien son antenne, potentiellement tu peux écouter tout ce qui se raconte. Donc, bon, sauf si tu as des techniques de cryptage, voilà, de chiffrement, un truc comme ça, mais bon. Ah, mais c'est marrant. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant, voilà, pour un podcast qui. Une émission qui causait de la Lune. Ouais, ça me semblait pile poil. Alors là, carton plein, parce que on parle de nazis, tu parles de Bédo. C'est pas moi. Oui, c'est toi. Je pourrais le rediffuser, si tu veux. Je mettrai un ralenti, si tu veux. Non, ça Donc va, ça. Je pense qu'on n'est plus PG-13 maintenant. Ouais, je crois que c'est foutu, là. Allez, pour finir, moi, j'avais une émission. Je sais que t'es très fan de Danse avec les Stars, hein. Tu voudrais même y participer. J'adore, mais depuis que Titeuf a été éliminé... tu regardes plus, c'est ça? Ouais, je regarde plus du tout. Ouais, t'es fâché. Laurent Rounet, qui mérite pas de gagner, je suis désolé. Je sais pas qui c'est, mais ouais. Et donc, moi, j'avais bien aimé ton émission. C'était toujours sur l'émission Année 20, Année Folle. Oui. L'émission 20, et où t'avais parlé du marathon de danse. Est-ce que tu as reconnu l'extrait? Marathon Dance Floor. Mais je ne sais plus de qui c'est. C'est Sophie Lix-Baxter. Mmh. Alors j'ai pris ça parce que dans le clip ça ressemble vaguement à ce dont je vais parler, à savoir un marathon de danse. Est-ce que tu aimes danser? Moyen. Est-ce que tu aimes le marathon? Trop long pour moi. Ah. Alors concrètement, un marathon de danse, c'est un événement au cours duquel les gens dansent en continu et le plus longtemps possible et sans s'arrêter. D'accord, pas pendant 40 km donc. Non, pendant 60, non, 43 km. 43, ouais. Ouais. Généralement, c'est par couple que la compétition se joue, mais je crois qu'il y avait des compétitions pour le faire en solo. Et le marathon de danse, c'est le mariage de l'endurance et du spectacle. Alors, c'est devenu très populaire dans les années 20 et dans les années 30 après la Grande Dépression aux États-Unis parce qu'on pouvait gagner des sous-sous. Et forcément, quand il y avait des sous-sous, hein, ouais. Au pays de l'argent, tout le monde est copain, comme on dit. Le plus fou, c'est qu'en fait, les gens pouvaient danser pendant un jour entier, et si bien qu'il y avait, alors d'un côté, les danseurs occasionnels, et de l'autre côté, les danseurs, entre guillemets, professionnels. Donc, il y avait des marathoniens de la danse professionnelle. Et il y avait des juges qui scrutaient tous les mouvements. Alors, en gros, les règles. Très succinctement, les gens dansent par paire. Ils doivent être en mouvement 45 minutes par heure, donc un quart d'heure de pause par heure, et c'est non cumulatif. C'est de l'AFK bio, c'est ça? Ouais, voilà. C'était pour aller faire pipi et prendre une douche, peut-être, s'il y avait le temps. Et même les gens, le public pouvait les scruter pendant leur pause, donc il n'y avait aucune intimité. D'accord. Et ça incluait des mouvements, les danses, ça incluait des moments où les gens devaient se raser ou écrire des lettres. Et si le genou touche le sol, c'est la disqualification immédiate. Et donc la danse devait être la plus énergique possible en soirée, parce que les gens venaient payer leur petit billet d'entrée. Donc forcément... Il fallait qu'ils fassent le show. Ah bah carrément. Et le jury, il était sans pitié. Lorsque ça commençait à devenir ennuyeux pour le public, alors le jury imposait au couple de faire d'improviser des sketchs comiques où il y avait même, ce qui paraît, ça, je suis assez étonné, des combats de boue. Alors va amener de la boue sur la piste de danse. Et le jury augmentait la vitesse de la musique pour fatiguer les candidats encore plus, parce que pour faire encore plus de show. Et il y avait certaines villes qui étaient vierges de l'événement, donc il n'y avait aucun événement. Et les promoteurs venaient organiser ça pour se faire de l'argent, bien sûr. Et ils n'hésitaient pas à se mettre les vétérans de guerre sous la poche pour donner la crédibilité au truc, par exemple. Tu te dis, ah bah, si les vétérans de la guerre approuvent les marathons, on va y aller quand même. Et en fait, tant que ça brassait du fric, il y avait du monde. Et le souci, c'est que les marathons de danse n'étaient pas très bien vus globalement, parce que c'était vu comme un truc assez décadent, assez répugnant, qui troublait la vie locale. Et si bien qu'il y avait pas mal de villes qui ont banni les compétitions. Et il y a des villes comme Seattle qui ont banni ça à l'époque parce qu'il y avait une dame qui avait tenté de se suicider après avoir dansé 19 jours de suite. Et le pire, c'était qu'elle était arrivée cinquième. Voilà. Ah oui, d'accord. D'accord, donc tu comprends. Je vois. Il y a eu des morts aussi, bien sûr. Bah voilà. Je dis bien sûr comme c'était évident, mais... Oui, bah évidemment. Alors, et le souci, les exploitants de cinéma faisaient la gueule. Parce que du coup, tout le monde dansait, tout le monde regardait, mais il n'y a personne qui venait voir les films. Voilà, il n'y avait pas d'entrée. Et ces événements-là, ça brassait beaucoup de pognon, parce que les gens rentraient pour payer leur salle, et puis bon, forcément, une fois à l'intérieur, tu avais une petite buvette, tout ça. Exactement. Tu avais les gens qui venaient organiser leur pari pour prendre leur... Qui allait gagner. Voilà. Et il y avait aussi l'église qui les approuvait le fait de payer pour aller voir des gens en pleine décadence. Et en 1930, un des concours a duré plus de 30 semaines. 30 semaines. Wow. Et c'est le record du monde, et le jury a progressivement dû baisser les temps de pause jusqu'à supprimer donc 20, un quart d'heure de pause, 10 minutes de pause, et finalement plus de pause, parce que sinon c'était interminable, il fallait quand même finir ça. Et tout ça pour gagner juste 2 000 $. 30 semaines pour gagner 2 000 $. Attention, 2 000 $ dans les années 20, c'était un sacré montant. C'était énorme, quand même. Je pense qu'au bout de 30 semaines, tu devais peut-être gagner plus, je pense. Je sais pas. Donc il y avait des promoteurs qui avaient des écuries de danseurs professionnels pour aller concourir, gagner de l'argent dans les autres compètes. Et je parle d'écuries parce que oui, les danseurs, on les appelait les chevaux. Donc, d'où le film, je sais pas si tu connais, On achève bien les chevaux. Ah, c'est oui. Le film de Sidney Pollack qui est lui-même adapté d'un bouquin de 35 qui traite justement des marathons de danse. Donc le film est assez surréaliste, je vous spoil pas. Et donc tout ça a été interdit en 1933, mais il y a eu des concours clandestins jusqu'en 1940. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu la police new-yorkaise qui avait voulu interdire un championnat du monde de marathon de danse. Et les organisateurs avaient tout prévu, ils avaient transféré les candidats dans des camions. Et donc le camion était sur la route, les candidats devaient continuer à danser. Et donc continuer à danser dans les camions. Puis après, ils ont foutu ça dans un bateau, ils sont allés hors des eaux territoriales pour pouvoir terminer le truc. Alors bien évidemment, les marathons de danse, ça faisait des émules, parce qu'en fait, les participants... Alors, donc, merci d'avoir pris ce sujet, parce que je me rends compte que j'ai pas mal savonné. Se mettre les gens sous la poche... Oui, c'est sous la poche. Au pays de l'argent, tout le monde est copain, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, en plus, c'est n'importe quoi. Mais... Savonner sur un truc de danse, c'est dangereux. Hein. Ouais, et surtout, j'avais montré la vidéo après coup, je sais pas si tu t'en souviens, c'est la vidéo ouais. Overdance... Ça se passe en France, c'est un marathon de danse dans les années 80. Ah, ça vaudrait le coup de le remettre dans le billet. Je le mettrai dans le billet parce que ça vaut le coup. C'est juste horrible. Ouais. Bon, on a fait le tour. Je te laisse reprendre la main. Ah bah voilà. Ça fait un sacré best-of. Eh bah oui. Bah écoute, déjà, je voudrais remercier tous nos nombreux millions d'auditeurs qui nous écoutent depuis le début. C'est très sympa. Eh oui. Ça fait chaud au cœur parce qu'on est parti. On repart pour une émission classique la prochaine fois. Ouais, quand même. Parce que bon, faudrait quand même qu'on bosse un peu. Donc l'émission après la numéro 3 Freestyle, qui est le best-of des 33 premiers épisodes, je crois que ce sera l'émission 4, je pense. Oui, on va faire ça. Ouais, ça me semble logique, dans l'ordre. Eh ben ouais, c'était bien sympa. Eh ben écoute, on se retrouve une bonne musique de fin. Alors là, on a choisi une chanson d'Aerosmith parce que ouais, c'est quand même dans le genre... On fait des best-of qui sont bien meilleurs que nous parce qu'on retrouve la chanson. Alors, c'est la chanson Sweet Emotion et on la retrouve dans les compilations. Attention, énumération: Aerosmith Greatest Hits, Pandora's Box, Pandora's Toys, Oh Yeah, Ultimate Aerosmith Hits, Devil God's New Disguise, Live, Bootleg Classic Live 1, A Little South of Sanity, Greatest Hits 1973. Vraiment ce que je fous là. J'ai déjà bossé avec des amateurs, mais des comme vous, franchement. Heureusement que vous me payez pour votre merde, parce que sinon, j'aurais accepté l'invitation de Lifetime. Hein. Attends, faut pas le prendre comme ça. Ouais. Non, mais exagère pas. Mais quel enfoiré, après tout ce qu'on a fait pour lui. Ah ouais, c'est déjà grâce à nous, il va doubler son auditoire. Comment ça? Bah écoute, avec nos 3 auditeurs, et ben... Bah oui, ça double, forcément. Et ben voilà, forcément. Bon, on avait dit combien? Parce que bon, quand je vous avais demandé de faire la voix off, j'étais sympa, j'ai accepté, mais bon, c'est pas gratuit quand même. J'ai pas envie de perdre mon temps inutilement pour votre truc d'amateur. Ouais, et moi, c'est pas que ça à foutre, hein. J'ai un barbecue à préparer en plus. Non, non, mais attendez, faites pour la gloire aussi, hein. Ah ouais, vous savez, on n'a pas un budget énorme pour ça. Ouais, c'est ça. Et Desert Rider, lui, vous lui avez donné combien? Ah bah, il a fait ça gratuitement. Il a fait ça gratos. Ouais, ouais, mais bien sûr, vous foutez un peu de notre gueule là quand même, non? Allez, viens, on se casse. Ouais, on n'a pas fini avec vous, hein.